C'est la plage. C'est ça. Tout à fait. Alors, il faut juste que je retrouve le jingle. Le voilà. Oh, la plage. Yeah. Oh, la plage. Ok, la plage. Bienvenue, Léo Collin, sur la plage. Ah, c'est la plage, ok. C'est un peu un lieu particulier pour recevoir Léo Collin qui est donc membre du collectif international Totem qui ont présenté hier soir la pièce chorale dans le cadre de l'ouverture du festival Archipel. Tout d'abord, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va très bien. Content d'être à la plage. Content d'être à la plage après cette performance ouais. qui a duré quand même un certain temps, 4 ouais. heures, un dispositif assez important aussi pour la préparation. Oui, c'était beaucoup pour un cadre d'un festival. Mm-hmm. Et est-ce qu'on peut dire quelques mots sur la pièce, la décrire justement, enfin, parler peut-être un petit peu plus précisément de ce rapport à la temporalité qui est quand même assez, qui est une temporalité assez longue et puis qui est un élément quand même assez important de la pièce, de l'œuvre. C'est vrai que c'était un challenge de faire une pièce assez longue. Mes collègues n'étaient pas forcément très contents quand je leur ai proposé que je voulais faire un long format. Je pense qu'on a réussi à tenir, enfin, j'ai l'impression qu'on a réussi à tenir pour la temporalité, car il y a une petite tension avec le système de sélection du public qui est de temps en temps appelé à venir faire une action dans la station-service, enfin, musicale ou fictionnelle. Et je pense que ça crée une sorte d'attente, puisqu'on ne sait jamais qui va se passer, qui peut... Et comme c'est une sorte de compilation, c'est-à-dire qu'il y a plein de différentes scènes, de différentes factures, on va dire, esthétiques, j'ai essayé de que ce soit le plus... comment dire, que ce soit pas une playlist, mais en tout cas qu'il y a comme différentes esthétiques que j'ai l'impression que du coup il y a toujours quelque chose d'assez frais. Et voilà, je crois que c'est la structure fait que j'ai essayé qu'on était à la limite de l'ennui, mais qu'on n'était pas à l'ennui. Ce qui est toujours une frontière très difficile à obtenir. Mais je me demandais, est-ce que pour les auditoristes qui n'ont pas vu la performance hier, est-ce que tu pourrais aussi nous décrire la mise en scène qui est particulière et qui est extrêmement visuelle et qui crée aussi la particularité de votre travail? Comme c'est assez difficile, je pense, de comprendre pourquoi il y a eu ces scènes-là et pourquoi il y a eu cette musique-là, on a pensé que c'était bien que le cadre reste le plus simple possible et qu'il ne part pas dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faudrait que ce soit une situation qui ne bouge pas. Et du coup, être dans une station-service, c'est vraiment un lieu qui fait que... il n'y a pas des actes où à un moment on est dans une station-service, puis après on va dehors, puis ça reste toujours un peu... c'est un peu le seul truc concret qui reste. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait une situation qui soit hyper... où c'est difficile de bouger, et qu'il n'y ait pas de transformation, d'un point de vue là. Et... voilà, je crois que c'est pour ça qu'on s'est dit quelle serait une situation. Et puis moi, j'aime bien dans mes principaux travaux, je fais toujours des cadres hyper capitalistes qui me fascinent. Et la station service est un des lieux qu'on ne peut pas trop faire abstraction. On est obligé d'y passer un jour ou l'autre. Alors dans la présentation, il est question de la vie quotidienne qui se répète à l'infini, enfin je le lis, hein. Ouais. Et dans cet écosystème post-humain, la musique et l'attention doivent être réinventées. Comment est-ce que ça s'articule en fait dans cette situation précise? J'ai été fasciné par pas mal de choses, dont deux que je peux le dire par rapport à ta question. C'est un livre. Et là, quand on dit un livre, il faut dire quelqu'un, la personne qui l'a écrit. Et le titre, je m'en souviens. Non, ça y est, c'est bon, c'est retrouvé. Il s'appelle Yves Citon. C'est un Suisse qui vit à Paris et qui a écrit un livre qui s'appelle « Écologie de l'attention ». Le livre est assez pas mal parce qu'il traite que l'attention, c'est un... Comment dire ? C'est beaucoup de choses. Et il avait, à un moment dans son livre, il avait écrit genre 12 petits commandements pour améliorer l'attention. Et ça parlait des addictions, par exemple. C'est pas possible. Enfin, comment dire ? Je vais pas les dire là parce que ça serait trop pédagogique, mais ces 12 commandements, ou ces 12, en tout cas, comment améliorer son attention, puisque, ou comment la gérer, ça m'avait vraiment marqué. Et par exemple, il y a pas mal de scènes qui sont vraiment inspirées de ça. Par exemple, il y a une scène où vous avez quelqu'un de l'audience qui arrive, qui joue juste, et puis on a des sous-titres, c'est marqué, c'est quelqu'un d'hyper raciste, hyper de misogyne, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et l'employé répond que par, vous payez par carte ou par, par exemple, c'est typiquement une attention, c'est-à-dire que, là, je pourrais vous dire, on pourrait parler de Macron, je sais pas quoi, puis là, on en parle pendant 3 heures, alors que c'était pas ça le thème, mais là, si vous me dites, mais c'est quoi tes sons, par exemple, voilà, donc c'était typique une scène où c'était pour montrer l'attention. C'est-à-dire que si quelqu'un vous balance un sujet où ça va durer 2 heures, que vous allez perdre de l'énergie là-dessus, voilà, typique. Donc ça, c'était vraiment de l'attention. Voilà. Et là, pour terminer la petite scène quotidienne, moi, j'ai beaucoup de stéréotypies. Donc c'est des mouvements qu'on fait en boucle dans des lieux restreints, qui sont typiques des animaux qui sont enfermés dans des zoos, par exemple, qui sont très visibles. Si vous allez des fois dans des zoos, les animaux sont hot. Mais ça arrive beaucoup aux humains, je trouve, et ça m'arrive particulièrement. Et comment... En fait, c'est ça, c'est comment cette scène, cette pièce, c'est juste un peu comment donner ces 4 personnages qui sont enfermés dans leur quotidien, qui essayent désespérément de s'en sortir. Parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas la thune ni l'argent pour sortir de cette station-service. Bon, et puis il y a aussi le public qui est invité aussi à se prêter au jeu en mettant notamment à disposition son téléphone. Et puis on sait que c'est un des objets qui cristallise beaucoup l'attention ou qui provoque justement aussi ces phénomènes d'inattention. Il y a finalement une rencontre entre ce qui est raconté dans la pièce, dans l'œuvre, la dramaturgie, et puis finalement ce qu'on vit aussi toutes et tous au quotidien avec ces appareillages-là. Enfin, comment est-ce que finalement il y a cette rencontre en fait d'un intime qui est raconté avec ces personnages qui sont complètement éclatés dans cette station-service, qui vivent à la fois dans cet environnement commun et puis qui vivent des situations qui sont totalement singulières. Et puis la façon dont le public est aussi invité à rejoindre ça ou à expérimenter. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aussi intéressé en tant que collectif ou... Je pense qu'en fait, c'est un élément du collectif parce que en refaisant la pièce, là, on a mis quand même 10 jours à retrouver tous les instruments qu'on avait besoin. Et il y a des instruments qui sont hyper complexes à construire, qu'on utilise 3 minutes, ce qui est complètement... c'est démesuré. Et c'était absurde, et j'ai un peu dit à la fin de la résidence, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ce genre de choses ? Parce que c'est tellement intense. Et Kay m'a dit, une des performeuses m'a dit, ouais, mais on est comme ça, non. On est toute la journée, on fait 10 000 projets, tu me parles, mais en même temps, je réponds à mes mails. Et puis après, en fait, tu me dis un truc, mais je pense déjà à ce que je vais faire demain. Et je crois que, on sait qu'on aurait pu venir avec une caisse claire et puis faire une impro de caisse claire. Enfin, non, j'ai dit ça parce qu'en même temps, j'avais vu un concert juste avant, il y a 2-3 jours, avec quelqu'un qui faisait juste la caisse claire pendant beaucoup d'années à Zurich. Et il est juste venu avec sa caisse claire et j'étais un peu là, pourquoi je fais pas ça? Mais et Kay m'a dit, non mais c'est vraiment l'âme de... Enfin, c'est l'esthétique de ces gens avec qui je travaille, qui, en fait, on est tous un peu connectés, hyper connectés, puis ultra polyphoniques, je dirais. On a du mal à se concentrer plus de 3 minutes sur un truc. Et ben moi, je veux revenir un peu sur l'aspect visuel, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être difficile de se rendre compte de ce décor assez impressionnant. En fait, on est face à une station-service, donc représentée par un comptoir, des sortes de panneaux qui simulent les rayons de chips ou de nourriture. Et puis au milieu, vous les traversez. Donc toi, Léo, habillé en agent d'entretien avec ton chariot. C'est Kay, je crois, qui est derrière, qui est au comptoir et qui accueille les différentes personnes du public. Au-dessus de notre tête, on a des écrans qui diffusent à la fois des sortes de vidéosurveillance et en même temps, des fois, on s'échappe et on est dans d'autres vidéos. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a dans tout ce travail, on est à la frontière de plein d'arts différents entre l'art performatif, le théâtre, donc la musique contemporaine, expérimentale. La vidéo, et on en parlait tout à l'heure avec Antoine, et on faisait l'analogie avec l'opéra, finalement, et l'ambition de l'opéra qui est d'être quelque part une sorte d'art total. Est-ce que ça résonne pour toi ? Ouais, carrément. On n'est que 4, en fait, hein, donc sur scène, enfin, 5 avec... moi, je suis hyper frustré que ça ne sonne pas comme un opéra. Du coup, c'est pour ça qu'on a énormément de... En musique de chambre, enfin, on va dire à petit effectif, comment on arrive à faire que... Parce que du coup, il y a 4 personnes, il y a des robots, il y a 6 chanteurs ghosts, chanteuses ghosts, enfin, des fantômes. Il y a 7 talkie-walkie, il y a... Et du coup, on a multiplié, il y a eu 8 speakers, des gros, moi j'en ai 4 sur moi. Enfin, j'ai commencé à multiplier. On a 2 petites Ferrari, 2 hélicoptères. On a des comment... Ferrari Des Ferrari miniatures. Des Ferrari quand même. Hein. voilà, on a commencé à vraiment tout multiplier pour essayer qu'il y ait un chœur ou qu'il y ait un orchestre. Mais d'une manière un peu petite, parce qu'on n'aurait pas pu ramener les chanteuses-chanteurs. D'un point de vue logistique, ça aurait été trop lourd pour nous. Voilà. Enfin, on a trouvé des combines pour que ça sonne comme une sorte d'opéra. C'est sûr que l'aspect visuel, c'est ma fantaisie. C'est vrai que quand j'étais gamin, mes parents étaient médecins. Ils avaient ces trucs de la pharmacie. En pharmacie qu'on trouve pour des médicaments. C'est la même chose que c'est une sorte de. Une impression. C'est une impression sur du carton. Mmh. Et le meilleur ami de mes parents faisait ça. Du coup, ils m'en ramenaient. Du coup, j'avais des Tomb Raider ou des trucs comme ça, des panneaux pour vendre de la crème solaire. Et c'était assez intriguant de voir ça. Voilà, des gens qui sont imprimés. Voilà, c'est pour ça que c'est ressorti. Mais. Justement, on l'a un peu entendu dans le documentaire tout à l'heure où les différents membres du collectif évoquaient d'où ils venaient, d'où elles venaient. Et, donc vous êtes plutôt du côté de la musique, mais en même temps, il y a cette envie d'aller vers plein d'autres formes. Est-ce que tu pourrais nous évoquer un peu plus globalement le travail de votre collectif et les pièces précédentes ? Comment on pourrait dire ça ? On a 2 autres opéras qu'on a fait, on va dire comme ça. Une sur les baleines et un sur les méduses, qui ont aussi des formats assez particuliers. On a fait des pièces de répertoire. On a pris une partition. Pour le coup, c'était du Peter Edvesh. C'était une pièce d'orchestre qu'on a fait pour 3 personnes, et à chaque fois, je prends la qualité. On parle de qu'est-ce qu'on aimerait bien faire. Et puis... Quelle est la force de chacun et de chacune pour... je préfère faire ça, ça serait bien faire ça. Et on a aussi... donc ça, c'est une fois tous les 2 ans, ces opéras. Enfin, moi, j'appelle ça des compilations, parce que c'est plein de petites pièces, mais qu'on remet en scène. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme pratique ? On a une petite pratique où on invite des artistes sonores, divers et variés. Et on passe 3-4 jours ensemble. Ça s'appelle les Day Talk Show, qui est plutôt une force de quai qui invite des gens. Et là, le but du jeu, c'est de passer du temps avec des gens sur Zurich. À Zurich, là où on travaille. Et là, on a la présentation peut être complètement différente. Ça peut être une fanzine, ça peut être, ça dépend de l'objet. Voilà. Voilà. C'est 4 fois par an. Et sinon, on rejoue la pièce sur les baleines le mois prochain. Et puis, après, il n'y a pas d'autres projets pour l'instant. Mais vous êtes rencontrés comment, en fait? Parce que c'est quand même effectivement des projets tellement hors normes que comment un collectif se fonde sur partir dans de telles ambitions? C'est la confiance, je dirais. Parce que je ne sais pas pourquoi ils accepteraient, tout le monde ferait ça. On avait beaucoup d'énergie, on en a de moins en moins, mais c'est vrai que c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie. Du coup, il faut faire faire des gros trucs, parce que si c'est des petits trucs, ça motive moins, je sais pas comment dire. C'est un peu. Mais là, tout le monde a plein d'enfants, du coup, ça commence à réduire. On va faire des pièces plus petites, je crois, les prochaines années. Les répètes terminent à 5 heures. Avant, on terminait à 23 heures. Maintenant, c'est 5 heures. Donc, on ne peut plus faire des trucs très gros. Et puis, il y a une sorte de fil rouge, en tout cas dans les titres. On passe de baleine à méduse à chorale. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à propos de ça? C'est un peu une blague. Et kit, ça veut dire baleine en russe? Non, c'est une blague. C'est vrai que c'est la mythologie. C'est une mythologie, en fait, la mère de Médusa, la gorgone, c'est une baleine. Et quand Méduse se fait malheureusement couper, ses cheveux vont dans la Méditerranée et créent des coraux. C'est pour ça. Merci beaucoup Léo Collin pour cette interview. Merci à vous. Et puis à très bientôt.